Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'est-ce qu'être neutre ? C'est s'abstenir de prendre position dans un débat, un conflit. Il y a un peu de fade, de tiède, d'insipide dans la neutralité, de beige. Mais il y a aussi de la prudence, car la neutralité se mesure selon le contexte. En 1851, dans « Histoire d'un crime », Victor Hugo écrivait « En temps de révolution, qui est neutre est impuissant ». 100 ans plus tard, tout pile, en 1951, dans « L'homme révolté », Albert Camus, lui, écrivait « En régime capitaliste, l'homme qui se dit neutre est réputé favorable objectivement au régime ». En régime d'empire, l'homme qui est neutre est réputé hostile objectivement au régime. Difficile d'être neutre. Tenez, peintre français mort à la veille de la Première Guerre mondiale, Henri Moret considérait qu'on ne peut jamais être neutre. Le silence est une opinion. Henri Moret, dans le sillage des impressionnistes, a beaucoup peint la mer et l'océan depuis la Bretagne. Oui, cet océan, zone de conflit pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'être neutre en temps de guerre ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, quel nouveau regard porté sur la Première Guerre mondiale, les images produites pendant la guerre, les enfants dans la guerre et aujourd'hui la neutralité en temps de guerre. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez discuter de ces émissions sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Donc aujourd'hui, nous revenons sur la position des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, de la neutralité à l'entrée en guerre en 1917. Nous allons en parler avec vous, Hélène Arter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Université Paris 1 et vous avez écrit « Les États-Unis dans la Grande Guerre », c'est chez Talendier. C'est un moment majeur, cette entrée des États-Unis dans la guerre en 1917. Il faut le dire parce que cette rupture de 17, on l'oublie souvent, mais les États-Unis ont mis quand même du temps avant d'arriver. Quand ils arrivent, il y a un vrai changement, j'ai presque envie de vous dire, dans le moral des troupes. Oui, je pense qu'il y a un double changement pour les alliés, ou plus exactement pour les associés, c'est-à-dire ces pays qui se retrouvent en guerre contre l'Allemagne. Il y a vraiment cette respiration avec la perspective d'arriver à terme de centaines de milliers de nouveaux combattants qui vont, on l'espère, retourner la situation militaire. Et puis pour les Américains, c'est évidemment une rupture majeure, hein, cette première guerre qui se déroule sur le continent européen. C'est vraiment un changement de politique internationale qui interroge d'ailleurs une partie de l'opinion. Et dans cette guerre mondiale, c'est vrai que les États-Unis sont loin des zones de conflit. D'autres pays sont beaucoup plus proches. C'est le cas de l'Espagne, de la Suisse, de la Belgique. Nous allons parler de ces pays-là avec vous, Sébastien Faré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de la Maison de l'Histoire à l'Université de Genève. Vous avez écrit « Le colis de guerre, secours alimentaires et organisations humanitaires 1914-1947 ». C'est aux presses universitaires de Rennes. Le colis de guerre. Mais oui, effectivement, ces colis de guerre étaient essentiels. Et là encore, sans parler de géostratégie majeure, reparlons du moral. Ce colis de guerre était essentiel pour donner le moral aux soldats. Oui, et pas seulement le moral, aussi pour faire tenir leur estomac, puisque c'est une contribution importante, notamment dans les camps de prisonniers de guerre, au soutien alimentaire de ces populations. Mais c'est vrai que le premier enjeu, c'est effectivement de montrer la présence de la patrie à travers la réception de ces colis pour ces soldats qui sont souvent dans longues années dans des conditions difficiles chez l'ennemi. Des conditions difficiles, c'est vrai, il faut le rappeler sans cesse sur cette première guerre mondiale. Nous en parlons aujourd'hui, semaine du 11 novembre, c'est de l'humain dont on parle, c'est de la chair, et cette chair a souffert pendant tant d'années, que ce soit au front ou à l'arrière. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure la programmation du cours de l'histoire, Anaïs Quien, qui viendra avec sous le bras son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons écouter le président Wilson. En fait, nous allons écouter une lecture de la résolution du 4 avril 1917, qui était votée par le Sénat, la déclaration de la guerre à l'Allemagne, une déclaration du président Wilson, qui a été élu bien plus tard pour une année anniversaire, c'était en 1967. Moi, Woodrow Wilson, président des États-Unis d'Amérique, Je proclame par la présente que l'état de guerre existe entre les États-Unis et le gouvernement impérial allemand. J'enjoins spécialement à tous les fonctionnaires civils et militaires des États-Unis d'exercer un zèle vigilant dans l'exécution des devoirs découlant de cet état de guerre. Et de plus, je fais appel de façon pressante à tous les citoyens américains pour que, pleinement dévoués à cette patrie qui a toujours, depuis son origine, défendu la justice et la liberté, ils maintiennent les lois du pays et donnent de bonne volonté un appui sans réserve aux mesures que peuvent adopter les autorités constitutionnelles pour poursuivre la guerre jusqu'au succès final et obtenir une paix sûre et juste. Nous sommes en 1917 quand le président Wilson, président des États-Unis d'Amérique, déclare la guerre à l'Allemagne. 1914, ah oui, voilà, ça fait quand même 3 ans que la guerre est là. 3 ans de neutralité. Hélène Arter, il faut resituer cette neutralité dans le temps plus long de la politique des États-Unis envers les interventions extérieures. Et nous avons tous appris à l'école la doctrine Monroe des années 1820, où les États-Unis ne doivent pas s'occuper de ce qui se passe en Europe, ils doivent s'occuper de ce qui se passe sur le continent américain. Elle est à nuancer, cette doctrine ? Oui, je pense qu'elle est tout à fait à nuancer, puisque de toute façon, c'est une doctrine politique. C'est-à-dire que très clairement, en termes d'échanges économiques et techniques, les Américains regardent énormément du côté de l'Europe. Ils suivent les événements européens. Et en fait, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis les années 1890, ils sont dans une position beaucoup plus internationaliste, qui va culminer dans cette guerre contre l'Espagne à propos de Cuba en 1898. Et on voit bien qu'on change de perspective avec des Américains qui sont invités sur la scène internationale, qui joue les négociateurs de paix entre les Russes et les Japonais après la guerre de 1905. Et donc, il y a quand même un nouveau regard au monde. Et je dirais plus que de neutralité, d'ailleurs, entre 1914 et 1917, on pourrait parler plutôt de non-belligérance, qui, à mon avis, est un concept proche, mais pas tout à fait semblable, le président Wilson étant finalement, somme toute, très actif entre 14 et 17. Hélène Arter, vous soulignez le point essentiel de ce qui nous intéresse ce matin. Qu'est-ce que la neutralité ? Oui. C'est vraiment ça. C'est compliqué comme notion. Qu'est-ce que la neutralité en droit international ? Je pense qu'il faut se référer tout simplement à la décision que prend le président Wilson quand on apprend que la guerre s'est déclenchée en Europe, qu'elle se généralise. Et il appelle ses concitoyens, dans les tout premiers jours du mois d'août 1914, à rester neutres, c'est-à-dire à ne pas prendre d'engagement dans un camp ou un autre. Bref, de rester dans cette logique des Amériques. Et on voit bien très vite que c'est une position totalement intenable, puisque les États-Unis sont une des premières puissances économiques mondiales, que les Américains ont des intérêts en Europe, c'est leur premier client, c'est leur premier partenaire. Et puis, on le disait à l'instant, depuis le début du XXe siècle, les Américains font aussi de la médiation internationale. Et ce président Wilson, qui est un homme très religieux, c'est un intellectuel très convaincu, il est persuadé dans les premiers temps que le rôle des États-Unis, c'est à la fois de défendre les droits des neutres, parce que eux-mêmes sont neutres et qu'il y a des droits à faire respecter, notamment pour les neutres européens, mais aussi de faire des médiations de paix, comme le Vatican va le faire, pour essayer de faire en sorte que ces pays européens arrivent à trouver une solution et à sortir de la guerre. Oui, pour les États-Unis, en 1914, il n'y a pas l'idée d'entrer guerre, pas du tout. D'ailleurs, il y aurait même un problème, s'il fallait entrer en guerre, de quel côté faudrait-il aller ? Parce qu'il n'y a pas de choix évident pour les États-Unis en 1914. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Intellectuellement, moralement, on est plutôt porté vers les démocraties, même si elles peuvent inquiéter, la situation en Irlande en particulier est un point de crispation vis-à-vis de l'Angleterre. Pas question de s'engager du côté de la Russie autocratique, ça va sans dire. Et puis, évidemment, ce sont des empires coloniaux, donc pour les Américains, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et puis surtout, c'est un problème de politique intérieure. Nous sommes à une époque où à peu près chaque année, 1 million de nouveaux migrants arrivent aux États-Unis. 1/3 de la population à peu près est née à l'étranger, donc on a très peur que ces groupes finalement aient des sympathies pour un camp et pour un autre, et qu'en fait ça crée plutôt des tensions interethniques aux États-Unis. Donc on préfère rester dans une position de neutralité, en espérant que la guerre sera courte et qu'on n'aura pas finalement à faire un choix. Hélène Arter, vous soulignez quelque chose d'important sur cette société des États-Unis avec plein de communautés différentes et des identités encore très fortes reliées au pays d'origine. Et la neutralité des États-Unis au début de la la Première Guerre mondiale s'explique, voilà, par ça également, il ne faut pas que le pays implose en fait. Oui, tout à fait. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la doctrine Monroe est encore extrêmement prégnante. Et pour beaucoup d'Américains, c'est vraiment une guerre étrangère. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne se désintéresse pas. Hein. On la suit, on lit la presse. On est très choqué par ce qui arrive aux civils, aux femmes, aux enfants. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le début de l'humanitaire de masse. On a une structuration des groupes humanitaires qui envoient de l'aide en Europe. Hoover va s'investir dans l'aide alimentaire à la Belgique et à la France occupée. Mais on considère vraiment que c'est une affaire d'Européens et que c'est aux Européens de régler leurs problèmes d'Européens. Et justement, dans ces questions qui se posent aux États-Unis, le fait d'avoir plusieurs populations venues d'origines différentes, on va retrouver un écho similaire dans d'autres pays. Je me tourne vers vous, Sébastien Faré. C'est vrai que pour la Suisse, alors là, on est en revanche en Europe, on est donc beaucoup plus près des événements, mais il y a des problématiques similaires pour la Suisse où il y a des communautés dont on ne sait pas vers quel camp elles pourraient s'orienter. Oui, alors peut-être pour poser le cadre, la situation suisse a deux différences majeures avec les États-Unis. Premièrement, elle se trouve finalement entre deux, sur la ligne de front. Il y a un point d'intersection au nord-ouest de la Suisse où débutent les tranchées à partir de l'automne 1914, sur lequel l'armée suisse, à sa droite l'Allemagne et à gauche les troupes françaises. Donc c'est une situation de proximité du front qui est absolument structurante. La deuxième grande différence, c'est que son économie et son commerce va dépendre étroitement de sa situation au centre de l'Europe. Et elle va être fortement impactée par le début de la guerre, au contraire des États-Unis, ce qui va être un point décisif. Par contre, il y a deux points en commun. Premièrement, effectivement, la neutralité pose un enjeu intérieur évident, puisque, comme vous le savez, la Suisse est partagée en trois communautés linguistiques, voire quatre, et que les deux principales, les Suisses allemands et les Suisses romands, vont prendre des positions contrastées, et que la neutralité va être travaillée, mise à l'épreuve, finalement, par la Première Guerre mondiale. L'autre point commun, et ça on va revenir, c'est qu'effectivement, l'humanitaire va être quelque part une réponse pour retisser la communauté nationale, pour finalement mettre en œuvre la neutralité durant la Première Guerre mondiale. Ça va jouer un rôle essentiel, à mon avis. D'ailleurs, Sébastien Faré, nous parlons de la Suisse et d'humanitaire. Il y a un exemple qui est formidable, c'est celui de la Croix-Rouge, qui est préexistante, qui date des années 1860, au moment de la campagne d'Italie de Napoléon III. Tout cela avait été mis en œuvre. Donc, il existe déjà une conscience humanitaire, une idée de comment agir en cas de conflit sans s'engager. Oui, alors c'est vrai. Alors faut aussi rappeler, même si les Suisses aiment à préciser que le CSR est un petit peu fondateur de l'humanitaire, est une institution centrale dans le panorama humanitaire, dans les faits, effectivement, tous les pays neutres vont exercer une action humanitaire. L'Espagne aussi, hein, qui va participer à cet effort. Donc il n'y a pas une particularité suisse, mais c'est vrai que la présence du comité international va octroyer à la Suisse un rôle particulier et singulier. Mais quand même, le comité international va développer énormément son action en réaction à la Première Guerre mondiale. Et à mon sens, et là je vous rejoins, l'humanitaire contemporain va naître véritablement durant la Première Guerre mondiale. Le CSR, avant 1914, c'est un club de hauts bourgeois de Genevois. À partir de la Première Guerre mondiale, ça devient une institution capable de mener des opérations au niveau international. Et en ce sens, 1914 est un moment tournant, charnière, pour l'histoire de l'humanitaire et du CSR. Hélène Arter, donc les États-Unis ne veulent pas être 100% neutres, au sens où la neutralité ne veut pas dire grand-chose dans un contexte de guerre. Ils ne veulent pas entrer en guerre, ils ne veulent pas être belligérants. Mais il y a des actions, l'humanitaire par exemple. Cette action humanitaire des États-Unis, donc dans les années 1914-15, avant d'entrer en guerre en 1917, cette action-là est une action, j'imagine, voulue par la population des États-Unis qui ont un attachement à leurs origines, et puis également par le gouvernement des États-Unis. C'est quoi? C'est une vision philanthropique ou une nécessité de garder l'équilibre du monde un petit peu stable? Il faut que la guerre se termine vite. Alors c'est vraiment une dimension humanitaire au sens population. Hein. Je crois qu'en fait, si on est sur la période 1914-1917, on devrait même dire les Américains et la guerre, puisque l'État américain est peu présent, si ce n'est par le biais de Wilson qui s'engage dans des médiations dont on voit très vite qu'elles n'aboutissent pas. Et en fait, les acteurs principaux sont des acteurs non gouvernementaux, des gens qui sont déjà investis dans de la philanthropie privée aux États-Unis. Il y a déjà de l'humanitaire, mais jusque-là, c'est plutôt pour venir, par exemple, en aide à des populations victimes du débordement du Mississippi ou d'un incendie ou du tremblement de terre de San Francisco. Désormais, on va à l'international. Puis il y a les acteurs économiques, les banques en particulier, qui vont prêter de l'argent aux belligérants, les producteurs de maïs, de blé, qui vendent leur production, les industriels, ainsi de suite, les journalistes. Et donc ce sont plutôt des acteurs privés, en fait, qui vont se mobiliser dans ces années. Et c'est vrai que la rupture, c'est vraiment en 1917, puisque désormais, ce sont les États-Unis en tant qu'État, avec leur personnel, leurs militaires, leurs conscrits, et évidemment aussi les prêts publics. Donc il y a vraiment pour les États-Unis un avant et un après, mais je dirais que sur l'intervention des acteurs privés, finalement 17 n'est pas une rupture, c'est une accélération. Ça donne des moyens nouveaux, ça amplifie. Je crois qu'il faut l'envisager selon qu'on est dans les acteurs publics, fédéraux, ou si on est dans les acteurs privés. Sébastien Faré. Oui, alors ce qu'il faut le dire, c'est que la neutralité est quand même mise à mal par la guerre totale, ouais. Par le début de la guerre. Et c'est un élément fondamental et une spécificité de ce conflit. Et que aussi, l'humanitaire est une réponse finalement à ce défi. C'est aussi une manière finalement de contrôler, de planifier des solidarités préexistantes. C'est-à-dire, il s'agit d'éviter que les Allemands envoient en masse de l'argent vers le Deuxième Reich. Il s'agit d'éviter que les Russes envoient en masse de l'argent vers les Russes. Ou s'ils le font, il le faut qu'ils le fassent dans un cadre, on va dire, accompagné par l'État et dans une finalité humanitaire, c'est-à-dire dans une idée de non-participation au financement d'efforts militaires ou directement à l'envoi de matériel qui se retrouverait sur le terrain de guerre. Donc l'humanitaire, c'est aussi une réponse politique à cette mise à mal de la neutralité et donc, en particulier dans le cas des États-Unis, une reconstitution de solidarité qui existe depuis toujours. Les immigrés qui ont réussi envoient l'argent au pays et finalement, ce qui se passait en 1913 assez naturellement, devient de l'humanitaire à partir de 1914 parce que la neutralité l'impose et que Washington ou Berne doit être effectivement un arbitre de ces flux financiers. Et la je suis tout à fait d'accord et on voit bien le passage à l'entrée en guerre en 1917 où désormais cet État américain va soutenir, va encourager et on voit bien le passage des solidarités privées organisées et hein, finalement quand vous êtes issu de la communauté allemande, vous n'allez pas aider les Français et il y a une forme de logique et de cohérence et vice-versa. Et on voit bien comment, à partir de 1917, cet État américain a bien compris l'importance de l'humanitaire et va l'encourager et va s'adosser à ce genre de politique. Mais ça reste toujours de l'humanitaire privé malgré tout. Avec différentes étapes dans la Première Guerre mondiale, qu'on prend comme un tout 1914-1918, mais c'est long 4 ans, il se passe beaucoup de choses en 4 ans. Sébastien Faré, vous avez utilisé l'expression « guerre totale » et en effet, pour faire de l'humanitaire ou pour faire du commerce venant des États-Unis, il faut prendre un bateau. Et parfois, il y a des gros soucis. C'est le cas en 1915 avec l'affaire du Lusitania. On va l'écouter, cette affaire du Lusitania, à travers la lecture qu'en faisait la Tribune de l'Histoire sur France Inter en 1973. Si nous voulons schématiser notre affaire, nous dirons que le gouvernement des États-Unis, qui se déclare neutre... Le président Wilson s'est toujours voulu neutre, et sa réélection tiendra au respect de cette neutralité. La politique de stricte neutralité observée par le président Wilson ne recueille plus l'adhésion totale des États-Unis. Monsieur l'amiral de Paul, que me proposez-vous? Je crois, sire, qu'il faut déclarer les eaux territoriales anglaises et la Manche zone de guerre. Et affirmer que tous les navires marchands y seront coulés, y compris les neutres. L'emploi illicite de pavillons de neutres ou de non-belligérants ne permettant pas d'éviter que ces navires soient exposés à des attaques. Nous n'allons pas nous faire que des amis. Que les Anglais retirent les nuées de mines qu'ils ont mouillées un peu partout et dans ces conditions, nous pourrions ne pas avoir recours à cette solution extrême. Une petite discussion entre les Allemands, notamment l'empereur, qui se dit « nous n'allons pas nous faire que des amis si nous lançons cette guerre totale, en gros couler tous les navires et notamment les neutres ». Hélène Arter, ce qui m'intéresse quand je regarde un peu la chronologie, c'est que je vois que le Lusitania, ce paquebot coulé, c'est en 1915 et l'entrée en guerre est en 1917. Il y a un écart de Deux ans, c'est énorme. Tout de même, une réaction assez longue. Il faut rappeler ce que c'est que cette affaire de Lusitania. C'est un drame gigantesque. Oui, c'est quand même plus d'un millier de morts, beaucoup d'Américains, des civils, des femmes, des enfants. Ça crée une émotion populaire extrêmement importante aux États-Unis. Et on considère généralement que c'est quand même le moment de bascule où l'opinion publique américaine se dit « il y a deux camps, mais quand même, le camp des Allemands, c'est pas le camp qu'on aime soutenir parce qu'ils sont capables de tuer des civils ». Alors, il y a des protestations diplomatiques. Il faut rappeler qu'il y a un blocus britannique, il y a un blocus allemand. Cette décision des Allemands qui sont asphyxiés, qui commencent à être asphyxiés économiquement par le blocus, on le voit bien, les flux commerciaux américains s'amenuisent en direction de l'Allemagne, se redirigent vers la France et la Grande-Bretagne, et cette décision de couler tous les bateaux, même les neutres. Alors c'est l'objet de gros débats aux États-Unis parce que certains se disent, mais ces Américains qui voyagent sur des bateaux neutres, bon, c'est déjà prendre un petit risque, mais qui voyagent sur des bateaux battant pavillon britannique, se mettent en danger, mais mettent aussi en danger la neutralité des États-Unis. Et donc, on voit comment il y a des divisions sur la question et comment le drame du Lusitania, à un moment donné, met tout le monde d'accord. Il y a les pressions diplomatiques des États-Unis et les Allemands prennent conscience qu'ils ne peuvent pas aller plus loin parce que s'ils vont plus loin, il y a le risque que les États-Unis entrent en guerre. Donc, ce qui explique en fait ce moment de paix, 15-17, et puis ce qui remet beaucoup de pression, c'est lorsqu'on apprend en janvier 1917 que la guerre à outrance va reprendre. Et que finalement, le risque d'un bateau américain coulé se multiplie, ce qui met d'autant plus Wilson de mauvaise humeur qu'à ce moment, il est en pleine tentative de médiation. Et donc, il a l'impression d'être trahi. Et quand on voit les premiers morts américains, puis ensuite on en reparlera, je pense, ce fameux télégramme Zimmermann, tout ça donne l'impression que les Allemands jouent pas franc jeu et qu'en fait, les intérêts américains sont menacés directement dans cet océan Atlantique où, on le rappelle, il n'y a pas que des passagers qui circulent, il y a surtout des marchandises, des cargaisons, des hommes, de la marine marchande un petit peu. Bref, c'est un espace vital pour l'économie américaine aussi. Hélène Arter, on peut en parler tout de suite de ce télégramme parce que dans la situation que vous nous présentez, nous avons un président des États-Unis, Wilson, qui espère une médiation, qui espère une médiation de tout type possible, de discussion avec l'aide humanitaire. Des signes sont envoyés. Il tient bon face à ces navires coulés. Le Lusitania, c'est 1915. Il n'y a toujours pas d'entrée en guerre, il se sent trahi et un télégramme, c'est vrai, va faire basculer, en fait, j'ai envie de dire c'est la goutte d'eau, c'est pas le basculement par le télégramme uniquement, c'est une accumulation, mais ce télégramme-là pose problème. Oui, c'est une accumulation et vraiment ce télégramme Zimmermann qui est écrit par le ministre des Affaires étrangères allemand en direction du Mexique avec, alors c'est pas très clair, mais on voit bien l'idée, inciter les Mexicains à se joindre au conflit. Vous voyez la manœuvre arrière, puisqu'ils ont une frontière commune, avec la perspective potentielle de retrouver les territoires perdus après la guerre de 1848, notamment du Texas à la Californie. Alors les Mexicains ont très vite compris qu'il y avait guère d'intérêt dans cette manœuvre, mais le problème c'est que le télégramme fuite, qu'il est évidemment... Cette fuite est facilitée par les Britanniques qui voient tout leur intérêt. On se demande si c'est un faux, c'est trop beau pour être vrai. Et finalement, la confirmation convainc le président Wilson, qui est vraiment très réticent à l'idée d'entrer en guerre, que on ne peut pas continuer comme ça et qu'il y a un réel danger pour l'avenir des États-Unis. Un télégramme qui traverse l'océan et qui est intercepté, des navires américains qui sont coulés dans le contexte de la guerre sous-marine à outrance. Beaucoup de mers dans cette histoire-là, ce n'est pas le cas de la Suisse. Sébastien Faré, les Suisses sont tranquilles, les Suisses ne sont pas attaqués. Comment se construit la neutralité suisse? En fait, on est sur une argumentation qui dépasse le cadre de la Première Guerre mondiale. La neutralité suisse est quelque chose de construit pour tenir le pays. On l'a évoqué, il y a plusieurs communautés. Oui, alors c'est vrai que l'une des spécificités de la Suisse, c'est d'être une enclave finalement au milieu d'une Europe qui est dans la mêlée. Il y a une image qui est très présente en Suisse pendant la guerre et qui va être aussi diffusée après celle-ci. C'est celle de l'idée d'une île qui est au milieu de la tempête ou d'une forteresse dans laquelle le peuple suisse est une sorte de peuple élu par la grâce divine, en tout cas par le fait d'éviter les malheurs de la guerre. Et cette idée, effectivement, finalement met à mal la réalité de la situation. La société suisse, comme on l'a dit, est profondément divisée. Et elle est aussi profondément dépendante de ses voisins qui sont en guerre. Et même si effectivement la Suisse n'est pas à côté de la mer, les produits alimentaires qui vont venir et qui traditionnellement permettent à la Suisse d'être alimentée viennent effectivement d'outre-mer, en particulier des États-Unis, qui est le vrai grenier du monde durant la Première Guerre mondiale. Le vrai grenier du monde pendant la Première Guerre mondiale, parce que les pays ne peuvent plus produire. Les soldats ont quitté les fermes, les champs, les hommes ont quitté les fermes, les champs, les usines. Les pays ne produisent plus et il y a vraiment une nécessité de ravitaillement. Et ce qui est intéressant en lisant vos travaux à l'un et à l'autre, Sébastien Faré et Hélène Arter, c'est de voir que les pays neutres ont également de leur côté besoin de ce commerce parce que il est essentiel à leur économie. Pour les États-Unis, c'est vraiment le cas. Ah, c'est évident et on voit bien tous les débats en août 1914 quand on apprend le déclenchement de la guerre, la bourse de New York s'écroule. Les producteurs de coton dans le sud sont extrêmement inquiets parce qu'ils écoulent quand même une grande partie de leur production en direction des pays d'Europe, en particulier en direction de l'Allemagne. Donc il y a un véritable impact. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même déjà dans une phase de la mondialisation, que les États-Unis sont le pays qui profite le plus de cette mondialisation ou de cette globalisation. Et donc on a des économies qui sont déjà interdépendantes dans ce monde occidental. Donc la guerre, c'est quelque chose qu'on craint. Je crois qu'il faut rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas l'arsenal de la démocratie, à la différence de la Seconde. Ils n'ont pas d'industrie de guerre. Donc leur but, ce n'est pas de vendre des armes. On pourrait le penser, parce que parfois on lit qu'ils entrent en guerre pour au nom des vendeurs d'armes. C'est pas le cas. Ce qu'ils veulent, ces hommes d'affaires, c'est un environnement économique tranquille, pour faire des affaires. Et donc on voit bien comment cette guerre déstabilise les échanges économiques avant que très rapidement les besoins de l'Europe soient tels que finalement l'économie repart, la crise de 1913 est oubliée et les carnets de commandes sont pleins. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à cette terrible question. Comment rester neutre dans un monde en guerre? En 1917, les États-Unis rentrent en guerre. En 1917, l'American Quartet chante « Oh Johnny, Johnny ». C'est une chanson composée par Abe Holman, une chanson que les Américains ont apportée en Europe en traversant l'océan. Crazy about a certain little lad, although he's very, very bad. He could be oh so good when he wanted to. Bad or good, he understood about love and other things. For every girl in town followed him around just to hold his hand and sing. Oh, Johnny, how you can love. Oh, Johnny, heaven's above. You make my tan heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so, oh, Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true, but when I look at you, I just, oh, Johnny, oh, Johnny, oh. Oh Johnny, Johnny par l'American Quartet, une chanson de 1917, l'année quand les États-Unis entrent en guerre dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Comment rester neutre en temps de guerre? Nous voyons bien avec tout ce que nous avons pu dire depuis le début de l'émission que la guerre est regardée évidemment avec une grande attention par les États-Unis. Nous l'imaginons avec une attention gigantesque par la Suisse qui reste neutre. Pour la Belgique, il y a un cas particulier de neutralité parce que le pays est envahi. Donc c'est un cas de neutralité mais qui s'effondre, qui disparaît dès le début. On retrouve malgré tout partout dans toute l'Europe des relations entre tous les pays. Et c'est ce qui est intéressant. Alors on peut l'aborder de plein de manières, par les volontés de médiation, de conciliation ou par l'humanitaire. Mais quand on étudie les différentes tentatives, allez, prenons l'humanitaire, tout le monde se parle, en vérité. Nous ne sommes pas avec des ruptures majeures. Sébastien Faré, vous avez étudié, évidemment, la Suisse que vous connaissez très bien, mais la Belgique aussi. Il y a des échanges partout. Oui, parce que comme on l'a dit, c'est une guerre totale qui mobilise les consciences, l'opinion publique, sur laquelle une partie de l'opinion ne peut ou ne veut pas rester indifférente, mais aussi sur laquelle où les États en guerre font pression, exercent une propagande, travaillent finalement les sociétés neutres et interviennent d'une certaine manière par le biais d'interventions culturelles, par la presse, par des conférences. Donc le terrain neutre n'échappe pas à la guerre, il échappe au combat, mais la guerre politique, la guerre des esprits est bien présente et d'une manière très violente de 1914 à 1918. Et dans le cas de la Belgique, ce qui est important, c'est qu'effectivement, ça va être aussi l'invasion de la nôtre Belgique, de ce petit pays où en Suisse, d'ailleurs, on se reconnaît assez facilement dans la situation des Belges, ça va créer véritablement une réaction, un soulèvement de l'opinion publique avec une envie, effectivement, de participer à la solidarité, d'exprimer sa solidarité avec les populaires belges. Et dans le cadre d'une neutralité, ou dans le cadre, on va dire, de l'impuissance aussi de l'armée suisse d'intervenir en Belgique, finalement, c'est la solidarité belge qui va permettre à une partie de l'opinion publique suisse à participer effectivement à la guerre par la construction d'un mouvement de solidarité. Et dans tous les cas, il y a des diffusions d'images, les actualités sont observées, alors que ce soit des images photographiques ou alors même ce serait des images construites à travers des textes, des narrations, qui fait que le monde entier observe des gens qui perdent leur maison, des gens qui sont obligés de se déplacer. C'est un message qui est un peu universel, ça, quand on voit quelqu'un obligé de quitter sa maison, de se déplacer, de ne pas savoir où aller, la faim. La peur, ces considérations-là expliquent aussi le regard des différents pays neutres sur ce qui se passe. Il y a une volonté d'aider en fait les populations parce qu'on se représente soi-même ce que l'on pourrait vivre en cas de conflit. Pour les États-Unis, on voit qu'il y a vraiment ça d'important. Oui, et alors je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est quand même qu'il faut voir que la période de la guerre conduit à une sorte de réveil religieux. Hein, on voit bien, ça c'est une dimension qu'on n'a pas encore abordée, mais comment cette situation particulière, même loin des zones de guerre, conduit notamment chez les protestants à ce réveil religieux. Et donc le réveil religieux conduit aussi à l'engagement dans l'humanitaire. Il y a ce lien qui est très fort. Et comme vous l'avez dit très justement, il ne faut pas oublier non plus que les États belligérants ont très vite compris l'importance de la propagande. Alors peu importe le terme qu'on met derrière. Et on voit bien en particulier comment aux États-Unis, les Allemands sont sans doute les plus actifs. Dès le début de la guerre, ils ont compris qu'il fallait gagner les opinions publiques. Comment les Britanniques suivent, comment les Français essayent aussi. Et donc, il y a vraiment, par divers moyens, par des conférences, par la venue d'intellectuels, par des meetings où on lève des fonds, il y a vraiment, par la presse, on parlait tout à l'heure de la composition de la population, la presse en langue allemande est extrêmement importante aux États-Unis à cette époque-là. Et donc, il faut bien imaginer que ces populations, elles considèrent que la guerre n'est pas leur affaire, elle est lointaine, mais elles ont une empathie extrêmement forte pour ces populations. Et pour ces civils, hein, je crois que c'est vraiment, on s'intéresse évidemment au sort des soldats, mais c'est surtout le sort des civils qui est au cœur des enjeux pour la population américaine. Eh bien justement, nous allons écouter un son. Alors un son étonnant parce qu'il est très ancien. C'est Alexandre Ribot, président du Conseil, donc durant la Première Guerre mondiale, enfin au moment où les États-Unis entrent en guerre. C'est un discours prononcé le 5 avril 1917. Je vous dis, vous allez tendre l'oreille, mais enfin, on entend bien quand même. Sans doute, le son a été enregistré un peu plus tard, dans les années 1920. Mais peu importe, c'est Alexandre Ribot qui rend hommage à la Chambre des députés après le message du président Wilson qui annonce l'entrée en guerre des États-Unis. Après avoir tout fait pour affirmer son attachement à la paix, la grande nation américaine déclare solennellement qu'elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence, entre la civilisation et la barbarie. Elle considère qu'il est de son honneur de relever les défis portés à toutes les règles du droit international, si laborieusement édifiés par l'effort commun des nations civilisées. Un discours prononcé par Alexandre Ribot, président du Conseil, en avril 1917, où l'on retrouve un vocabulaire, on évoquait le mot propagande, en tout cas là c'est une lecture évidemment partisane, mais qui distingue le droit et la violence, la civilisation et la barbarie. Les pays neutres sont confrontés à ce discours-là. C'est un discours français, mais eux le regardent de quelle manière ? Ils analysent, ils ne peuvent pas voir la violence contre le droit ou la civilisation contre la barbarie. Et si, en fait, Wilson est un internationaliste, il est très influencé par les conférences de La Haye, hein, qui se mettent en place à la fin du 19e siècle. Et il est vraiment dans ce discours lui-même du droit, de la défense du droit. On parlait tout à l'heure de la défense des droits des neutres. Ses interventions sont aussi pour défendre les droits des neutres menacés par les blocus et par la guerre sous-marine à outrance. Et il y a cette idée aussi, à l'époque, que l'autre camp, c'est le camp de la barbarie. Et quand on analyse ces discours, avant et après l'entrée en guerre, on voit bien cette dimension très « nous, les autres, le droit, la barbarie » qui va irriguer les discours, les pensées. Mais je pense qu'ils sont vraiment extrêmement intériorisés par les contemporains. Et quand on regarde les affiches de la CPI, c'est le comité chargé de l'information publique qui se met en place dès l'entrée en guerre des États-Unis. On voit bien dans la représentation des affiches ces images. Hein. Il faut revoir la description du soldat allemand, du 1, tel qu'il était mentionné, qui est vraiment associé à cette image de l'opposition entre la civilisation et la barbarie. Donc c'est un discours qui parle parce qu'il est partagé et parce qu'il y a aussi une culture commune entre ces Américains et ces Occidentaux et cette démocratie occidentale en particulier. Ce qui est fascinant dans les prises de position liées aux pays neutres, c'est qu'il va y avoir, ce que vous venez d'expliquer, un discours, et même un discours qui peut être intellectuel, dans le sens où il est porté par des écrivains, par des artistes. Et puis après, il va y avoir également une action de manière très concrète. En Suisse, les médecins, par exemple, sont confrontés, mais de manière réelle, à l'afflux de réfugiés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais bien sûr. Et là, il y a quelque chose à faire de manière évidente. Comment accueillir les réfugiés ? Qu'en fait-on ? Ou alors, peut-on faire venir les réfugiés et ceux qui veulent traverser le pays ? Tiens, peuvent-ils passer par la Suisse ? Toutes ces réflexions-là sont développées partout. Alors, je vous dis, les médecins, les intellectuels, c'est vraiment le cas en Suisse pendant toute la guerre, en fait. Oui, tout à fait. Donc, vous avez parlé des images, des représentations. En Suisse, on voit les victimes de la guerre, dans le cas des réfugiés, notamment les civils belges et du nord de la France, qui vont arriver en France, vont passer souvent par Chavouz, vont traverser en train la Suisse jusqu'à Genève pour passer en Suisse en France. Donc, on voit une partie de ces victimes. Et puis, on reçoit 67 000 internés. Donc, c'est souvent des grands blessés qui sont prisonniers et qui sont envoyés en Suisse le temps de leur convalescence. Donc, mais par contre, c'est vrai que cette action humanitaire, là je reviens à la question qu'on a évoquée dans une première partie, elle est finalement une réponse aux divisions de la société suisse. Ces questions évoquées dans ce discours d'opposition entre civilisation et barbarie, elles divisent la Suisse à travers un fossé. Le fossé va devenir d'ailleurs un topoï de l'histoire politique suisse, le fossé entre roman et alémanique, va être creusé par cette vision dichotomique irréconciliable. Donc, ce que va essayer de faire une partie des intellectuels modérés va être effectivement d'essayer de recréer en lien entre intellectuels suisses, qui va être axé sur la modération, sur le fait que entre concitoyens, il faut faire un appel à la modération, essayer effectivement d'échapper à la mêlée. Mais avec finalement beaucoup de difficultés, parce que fondamentalement, la société suisse reste très très divisée jusqu'à 1918. Oui, alors ça c'est important, hein. Ça vaut aussi pour les États-Unis. Cette période de guerre durant laquelle certains pays sont neutres renforce l'identité même du pays. Et cela est d'autant plus fort que le pays est divisé entre plusieurs communautés. Donc c'est le cas pour la Suisse alors en partie et pour les États-Unis de manière évidente. Ah oui, parce que la mémoire n'étant pas l'histoire, on a tendance à penser qu'en 1917, les États-Unis rentrent unis dans cette guerre. C'est quand même la grande différence avec Pearl Harbor en 1941. On voit bien, hein, quand il y a les débats au Congrès pour savoir s'il faut voter la guerre, puisque aux États-Unis, ce n'est pas le président qui déclare la guerre, c'est le Congrès qui vote et le président qui la déclare à partir de ce vote, que le Congrès est extrêmement divisé et qu'il y a une minorité importante qui est contre et qui est très représentative de ce que pense l'opinion publique. Et donc il va y avoir un véritable enjeu entre 17 et 18 pour donner du sens à cette participation à la guerre et pour créer de la cohésion nationale. Alors une fois que les combats commencent, la question ne se pose plus parce qu'on soutient ces soldats qui sont en train de se battre, d'autant plus que ce sont des conscrits. Donc on est vraiment dans des soldats citoyens, mais on voit bien que cette entrée en guerre ne va pas de soi et que certains Américains se disent que finalement, ils viennent d'Allemagne, ils ont plutôt des sympathies Et surtout, ils estiment que la menace de la guerre sous-marine à outrance n'est pas si directe que cela, parce que, on le rappelle, l'essentiel des bateaux sur lesquels meurent des Américains ne sont pas américains, ce sont des bateaux ou neutres ou britanniques, puisqu'à l'époque, il n'y a quasiment pas de marine marchande américaine. Donc, on est obligé de circuler sur les bateaux des autres. Hélène Arter, vous avez écrit Les États-Unis dans la Grande Guerre, c'est chez Talendier. Dans les États-Unis dans la Grande Guerre, nous imaginons, nous, tout de suite, des Américains au combat dans les tranchées. Mais bien sûr, en regardant, et c'est ce que nous faisons ce matin dans le cours de l'histoire, en regardant d'un peu plus près, nous disons, mais non, il y a quand même toute une période de neutralité qui est passionnante. Mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi la vie de, j'allais dire de l'arrière, mais c'est même pas le cas, la vie des civils aux États-Unis pendant toute cette période-là. Elle n'est pas du tout chamboulée. Alors, oui, elle n'est pas chamboulée dans le quotidien, si on compare évidemment à ce qui se passe en Europe. Malgré tout, on a quand même une incidence économique, hein, puisque il faut nourrir cette Europe. Donc, on voit qu'il y a quand même des phénomènes de privation localisée. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'État américain rentre dans la vie quotidienne. À partir de 1917, il vous conscrit alors que vous n'avez strictement rien demandé. Il va organiser la production alimentaire, il va fixer certains prix, il va, on n'ose pas l'imaginer, nationaliser les chemins de fer et les chantiers navals, ce qui, dans un pays comme les États-Unis, est quand même assez extraordinaire. C'est essentiel, oui, c'est vrai. Il vote des lois pour lutter contre l'espionnage, des lois de censure. Donc c'est vraiment la première entrée de l'État fédéral dans la vie privée des Américains. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. En fait, ça annonce les politiques du New Deal à une petite échelle. Hein. Et on voit bien qu'on est aussi en train de changer de paradigme, entrer dans une modernité. Et que, en fait, cette vie des Américains, elle est plus transformée par la guerre qu'on peut l'imaginer de notre côté de l'Atlantique. Et toujours dans nos représentations, il y a une question qui se pose, notamment c'est le cas de la Suisse. C'est quelque chose qui revient comme ça, j'allais dire un peu côté café du commerce, mais peut-être pas tant que ça. Mais ils en ont bien profité aussi. Est-ce que la neutralité a été favorable au pays? On pense notamment à la finance, on pense notamment au commerce, Sébastien Faré. Alors, elle était profitable pour certains, ça c'est évident. Effectivement, l'économie suisse, enfin le commerce suisse a été impacté profondément par le début de la guerre. Plus de 4/5 des importations de matières premières, de produits alimentaires dépendent de l'extérieur, en particulier de l'Allemagne et de la France. Et tout à coup, effectivement, ces importations sont remises en cause. Donc ce qui va se passer, c'est que l'économie suisse va se réorganiser au trouble d'un double enjeu. Premièrement, assurer le ravitaillement de la population, mais aussi des usines pour qu'elles puissent continuer à produire. Et puis deuxièmement, répondre aux injonctions de leurs deux grands voisins pour maintenir un trafic commercial vers les deux pays. Et en fait, ces injonctions, ces nécessités vont amener finalement l'État fédéral à organiser l'économie, ce qu'il n'avait jamais fait, c'est un État très libéral où l'administration de l'économie était extrêmement peu présente, et de l'autre, effectivement, à permettre que l'économie continue à tourner. Et ce qui va se passer, c'est que même si l'exportation de munitions, d'armements est interdite, par contre, les éléments de ces armements vont continuer à être exportés. Donc les boulons, les tuyaux métalliques vont continuer d'aller vers la France et l'Allemagne, et la Suisse va devenir, quelque part, une fabrique du matériel des munitions. L'horlogerie va être notamment très favorisée, puisque les détonateurs vont être fabriqués dans l'arc jurassien du côté suisse. Donc l'économie suisse, d'une part, va être très favorisée dans certains secteurs, l'horlogerie, le textile, mais de l'autre aussi va vivre une profonde crise économique et sociale qui va amener une grande grève générale en automne 1918, parce qu'effectivement certains secteurs vont presque disparaître, en tout cas vont être mis à mal, notamment l'hôtellerie. La Suisse est un pays très touristique et le tourisme va être mis à mal dès 1914, et la société suisse va devoir faire des sacrifices assez importants qui vont rester dans les mémoires, notamment avec un rationnement, des problèmes alimentaires et sociaux très graves à partir de 1917, qui vont amener, au-delà de cette crise politique que j'évoquais, une vraie crise sociale très profonde qui va marquer les esprits durablement. Hélène Arter, c'est un monde magnifique de construction, d'évoquer un pays aussi grand que les États-Unis dans la guerre en voyant toutes les composantes. À la différence de la Suisse, les États-Unis, eux, sont entrés en guerre. Les conséquences, c'est quelque chose que l'on peut regarder. Nous, la guerre est prégnante chez nous. Le regard porté par les États-Unis sur la Première Guerre mondiale est peut-être un peu plus lointain parce que c'est un conflit loin, en fait.